Chapitre 17. L'empereur Auguste rendit un édit pour que tous ceux qui étaient à Bethléem eussent à se faire enregistrer. Et Joseph dit, « Je ferai enregistrer mes fils, mais que ferai-je à l'égard de cette femme? Comment la ferai-je inscrire? La ferai-je inscrire comme mon épouse? Elle n'est pas mon épouse, et je l'ai reçue en dépôt du temple du Seigneur. Dirai-je qu'elle est ma fille? Mais tous les enfants d'Israël savent qu'elle n'est pas ma fille. Que ferai-je donc à son égard ?» Et Joseph scella une ânesse, et il fit monter Marie sur cette ânesse. Joseph et Simon suivaient à 3000. Et Joseph, s'étant retourné, vit que Marie était triste, et il dit, « Peut-être ce qui est en elle l'afflige. » Et s'étant retourné de nouveau, il vit qu'elle riait, et il lui dit, « Ô Marie, d'où vient donc que ta figure est tantôt triste et tantôt gaie ?» Et Marie dit à Joseph, « C'est parce que je vois deux peuples de mes yeux. L'un pleure et gémit, l'autre rit et se livre à la joie. » Et étant arrivée au milieu du chemin, Marie lui dit, « Fais-moi descendre de mon ânesse, car ce qui est en moi me presse extrêmement. » Et Joseph la fit descendre de dessus l'ânesse, et il lui dit, « Où est-ce que je t'amènerai, car ce lieu est désert ?»